Titit Rizel, Titit plongé non coin, la dégagé li, la mère vinoué li, la mère vexée, la mère tombée brun, la mère vin gris, le père bandé, qui est, Non. William, moi tu peux dire la regarde ou moi tant qu'on mon qui t'a appelé on dit genre tapli. Et bien c'est ton camarade qui m'a yak madame dit. Même si c'était un bel job. Mais depuis que je m'a yak madame dit. Tout bagay nan kay la, c'est tout en paix. Tout en paix. Paix cabane. Paix sommier. Paix frigidaire. Paix radio. Paix bonne. Mais paix gérant. Mais, un jour monsieur levé, il est parti dans le travail. J'ai dans la Kali. Dans l'an de même, j'ai levé là le travail. L'an dit, ah, si je quitte Nex à la travail là, j'ai gâté tout le reste employé. M'a prévoqué, monsieur, quand même. L'an relé, monsieur, y'a pas monsieur Nelly, y'a révoqué. Là, monsieur, arrivé la Kali, dit, chérie, vous connaissez révoqué Marie ou? Comment dit, oui! Avec révoqué, ça c'est rance. C'est sorti dans la porte, ça ou après entrer dans l'autre porte là. Mais ça que fait femme dans dit monsieur ça. C'est parce que femme dans connaît monsieur qu'on a $800 de réserve dans la caille là. Mais ça que fait dit ça. Mais si tu connais monsieur pas que 5 centimes, monsieur était tout tourné comme bouteille, température a changé. Oh oh, boule, boule, boule. Yo prend $800, y a mangé $800, mangé oui. Et puis il finit. Pas que 5 centimes dans la cale encore. Madame Jody Dio, quel est le papier gage au bout manger matin? Je ne comprends rien. Jody Macho, malhonnête. Vous connaissez notre petit job, vous révoquez. Vous avez $800 dans la cale là. Nous finissons manger $800. Alors, comme toute bagaille dans la cale là, c'est tout en paix. N'a pas yo après n'a pas acheté l'autre. Fia dit m'a pas d'où vendre, m'a pas d'où pas vendre. Mais m'a pas prêt de se manger. Y'aura les pères à bonne, les vannes, l'argent passé. Y'aura les pères matelas, les vannes, l'argent passé. Y'aura les pères radio, les vannes. L'argent passé. À la fin, tout le bagage dans la fin passé. Pas rien encore. Allez, qu'il est, maîtresse Kaila apparaît pour venir demander l'argent Kaila. Jody Way, de comme ça, oui. Je perds du job, moi. Je connais, pour ta vie demander l'argent Kaila. Ma boîte Kaila. Kaila brapé, en charge à Pinez là-dedans. Charge à Ravet. Ma boîte Kaila. Ça, je fais, t'es un petit counouk en face. Je vais louer un petit counouk là. Pour madame, c'est couché son tinat. Madame a plein. Oh mon Dieu. Gardez-moi même Esther pour je dis à moi, m'a couché son tinat. Bye. Non, je vais pas bêtir, mais devant moi. Mais si maman me paraît, ça, ça l'a dit. Mais elle va changer si t'es un peu cabane. Père et chaud, père matelas, pas changer pareil ça yo. Bon, Dieu levé sorti. Bon bon ami Dieu qui dit ouais, Dieu lui dit oh, Dieu, à pas ou quand toi et quand ça pas ou. J'ai dit mon cher, des notre job, patron parrain mais faut peut-être moins il révoquer. J'ai dit ah mon cher, venez mais non job. Et puis il allait avec monsieur, il vient blanc. Il va faire son job. Blanc bien content, blanc diplômé, monsieur. Je suis à l'aise dans le travail là. Là, monsieur, viens pour moi. J'arrive à le toucher, pour moi. J'ai toujours moi. Ça le fait, il passe dans ma chaîne, font grand provision. Reste là, je l'emmène. Il paraît. Il dit chérie, même à Oudjo. Nous sommes en travail, nous sommes touchés, faire provision, mais reste là, j'ai un bout de baou. Et puis inconsciente là, il ne peut pas même lever tête pour garder malheureux, non? Il va occuper. J'ai dit chérie, c'est ma roue qui devant, oui. Mais l'argent, je fais provision, bout de baou. C'est alors. Il faut me lever tête, il garde Dieu. Et puis le petit bouche maintenant pour Dieu. La vraie alerte, la ska audio. Oui, ces jours-là, on nous passe une bonne journée. Toute la nuit, toute la journée. Radiographie, radio, radiographie. Aïe, aïe, aïe. C'est pas dit qu'on a fait. Je mets tout le monde dehors. On vient faire radiographie. Oui, l'argent entré. Et qu'on s'en fait mieux, oui. Depuis qu'il y a quoi pour là? Depuis pas qu'il y a quoi? Ou absent. Oh, bon méchant. Bon. Et bonjour, madame, je suis sorti. Alors, excusez-moi. Où est-ce que vous défendez inconsciente? Il dit, Job, après vous, c'est moi-même qui prends le marché. Quand vous avez dit, vous avez fait manger, vous avez fait capable, c'est pour capable pour mon bon. Je dis, ma chère, et je dis à moi, méchant, vrai. C'est quand il est fini. Vendre tout bagaille comme la fille dit bagaille 16 ans dans la caille là. Gardez les bois voulez si après vous avez un bon mal pour un bon encore mettre sous lit. Vraiment dit ma vous connaît si vous n'avez pas un bon moi vers nous fini et vous connaissez monsieur sensible pour madame ni il va t'en mettre l'autre pour jouer dans le jouet ni oh ouais il met de l'autre diapason et puis Dieu dit eh mais bon bon non bon bon. Maintenant, je prends Tibon, tu vois Tibon, non. Il coûte, il won, il gras. Ah, tu n'as pas de tu n'as pas de papa. Et puis, maintenant, je relève bon, non, il dit, regardez, non, vini. Je vais sortir. Mon poule marée dans pied table, la faire manger. Et pour mettre poil dans le feu, je fini. Tibon, mettre poil dans le feu. Il tue pour lui. Joe même ce jour-là, il prend pour dire la fièvre. Il parle de travail. Il m'a en compresse jusqu'au sol avec l'aide des vapeurs et sous tête. Il prend pour dire le travail. Alors là, il fait la navette devant la cuisine. Quand on a dit qu'il n'y a pas de faire manger, pour l'expliquer, il n'y a pas de faire. Pendant pour la frière, il n'y a intelligente qu'elle est. Il prend des zizier. Il mettait le sous-coupe et puis il vote le bateau. Je le vois. Ma bonne augmentation. Ma bonne augmentation. Si bon, on dit, t'as content, oui, monsieur. Aïe, aïe, aïe. Je n'en plante plus. Un jour, madame, je ressorti encore. Il dit, bon, on fait manger. Alors, t'es convié l'office. Alors, tu Joe, un petit petit garçon, il y a un petit cabret dans le même. Toute la journée, il y a un cabret là, à bouler dans le cas. Aoua! Aoua! Aoua! Par contre, ça passe, Joe. Joe, on loue mon don qui monte lui. Il pop, il met mes outils bonnes. Et puis, il a fait un bon dans la radiographie. Radiographie, radiographie. Radiographie. radiographie. Et puis j'ai petit la tombe sous papa en bas l'office là, qui a fait une bonne radiographie. Tito Rele. Alors, Joe, mais comment intelligent, ça qu'on fait. Il prend petit à mettre sous un poli, il traverse nos boutiques en face. Il achète deux petits sachets bonbons. Il chire. Il prend un petit bonbon mettre dans la bouche de Joe. Il dit, Joe, maintenant on joue dans le récit. On va sélectionner, on va faire grand jouet, on va voyager. Puis là, même à moule les bonbons. Miam, miam, miam, miam. Mardi. Mardi. Mardi. C'est le moment maman vient paraître. Maman dit Tito, viens raconter maman ça gagne. Viens dire maman ça passé. Jo dit regardez non madame Jo. Souam quitter Tito, demeurer dans canal ensemble avec vous. Petite la pape qu'il vacillon. Dit pape qu'il vacillon. Pour série de bagarre qui passe depuis des mois et des mois. Ou après les petites là vous nous faites raconter ou. Madame Jo dit oi. Imbécile. Puis il a même le même jazz là. Mardi. Mardi. Mardi. À la fin, Dieu n'est pas. Dis maman. Vite foot, dis maman. Dis maman. Dis maman. Dis je dis maman. Maman, souwe. Souwe, maman. Ça me dit, on a fait avec voisin. Hein? C'est l'imbre papa ma fa qui bonne. C'est ça. Guy. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Li bloqué, pas qu'un doit fait être collé. Mon cher campé à distance pour observer la cadence. Si vous pas voulez danser, bien devant, allez-vous-en. Titi trisez, titi bloqué, non, la dégage, li la main vine, li la main vexée, la main tombée, près. La main vine gris, oui, les pères bandés, qui est, ou pas besoin comprendre. Gardez-nous. Moi-même, son cabrette m'a bête dans le dos même.